Voyage sentimental d'André Theuriet. Quand le train eut quitté la station de Sisteron, le peintre esprit Capdenave s'aperçut que tous les voyageurs de son compartiment de deuxième classe étaient descendus, à l'exception d'une jeune femme qui occupait le coin opposé au sien. Capdenave était monté à Pertuis au petit jour et, sitôt blotti dans son encoignure, avait repris son sommeil interrompu par un brusque départ matinal. Maintenant, il se frottait les yeux, se secouait, et ragaillardi par un rayon de soleil, reprenait possession de ses facultés observatrices. Comme lui, la voyageuse d'en face venait de rouvrir ses paupières ensommeillées. Elle se débarrassait d'un fanchon en grosse dentelle noire, lissait ses cheveux blonds ébouriffés, et à l'aide d'un miroir de poche, réparait de son mieux le désordre de sa coiffure. Elle pouvait avoir 24 ans, fraîche, saine, grassouillette. Elle avait de beaux yeux couleur pervenche et un grain de beauté au coin de la lèvre supérieure. Le peintre remarqua avec plaisir sa taille svelte, sa poitrine d'une rondeur affriolante, ses mains bien modelées sous des mitaines de filet. Tandis qu'il l'examinait sournoisement, il la vit fouiller dans son sac de voyage et en tirer d'abord un petit pain. Elle espérait sans doute y trouver, par surcroît, quelque chose de plus appétissant que du pain sec, car après avoir bouleversé le contenu du sac, elle ébaucha une moue déçue. Ce que voyant, esprit, obéissant à une compatissante impulsion, ouvrit son propre sac, exhiba une tablette de chocolat encore enveloppée de papier d'argent, et la présentant galamment à la jeune personne, « Madame, ou mademoiselle, commença-t-il. « Mademoiselle, répondit-elle un peu étonnée. Un sourire bon enfant courut sur les lèvres du peintre et se perdit dans sa courte barbe noire frisottante. « Eh bien, mademoiselle, continua-t-il, permettez-moi de vous offrir une demi-tablette de chocolat pour remplacer celle que vous avez oubliée. » La jeune fille, après s'être fait un moment prier, accepta, remercia, et proposa en échange la moitié de son petit pain. Ils se mirent à manger tous deux de bon appétit, tandis que le train remontait la vallée de Buèche. Tout en grignotant, ils regardaient par la portière les montagnes s'échelonnant au plus loin, les vergers en terrasse, tout neigeux de pruniers, de cerisiers en fleurs, et çà et là, sur des pentes arrosées de scintillants ruisselets, la jeune verdure des prés étoilés de narcisses blancs. Le frugal repas pris en commun avait rompu la glace. Ils devinrent plus communicatifs. Esprit Capdenave, afin de gagner la confiance de sa compagne de voyage, la mit promptement au courant de son âge, de sa profession et de ses affaires. Il venait de Saint-Raphaël et s'en allait à Grenoble, où il avait une commande de portraits. Toute une famille de marchands de gants, laids comme des magots, mais ayant le sac et payant bien. Avec des gestes exubérants, une blague méridionale, une drôlerie de mime, il esquissait plaisamment la charge de ses futurs modèles. La jeune fille riait de bon cœur et s'apprivoisait de plus en plus. « Ainsi vous peignez des portraits ? » demanda-t-elle. « À votre service, mademoiselle. Quel est votre petit nom ?»« Louise. Très jolie. » « Eh bien, mademoiselle Louise, si vous vous arrêtiez seulement 2 jours à Grenoble, je ferais votre portrait avec le plus grand plaisir. Ma parole, ça me reposerait agréablement de ma famille de Gantier. »« Grand merci, » dit-elle en rougissant, « mais je ne vais pas si loin, je descends à Monestier de Clermont. » Alors, devenant plus expansive, elle conta son histoire. Elle était institutrice à Aix, dans une famille de magistrats. Orpheline, elle n'avait d'autre parenté qu'un oncle et une tante qui habitaient Monestier, et s'était mis en tête de la marier avec un commerçant aisé de l'endroit, un veuf sans enfant qui se nommait Monsieur Léchaudel. Elle profitait des vacances de Pâques pour visiter ses parents et se rencontrer chez eux avec ce Monsieur Léchaudel dont elle ne connaissait que la photographie. « Il est un peu mûr pour moi, » ajoutait-elle ingénument, et il paraît avoir un physique assez ordinaire. Mais je suis lasse d'être chez les autres. C'est si triste de vivre seul, sans la plus pauvre petite affection. Pourvu que ce monsieur ne soit pas trop déplaisant, je crois bien que je me déciderai. Tout en achevant ses confidences, elle soupirait, et ses rouges lèvres pulpeuses s'entr'ouvraient, découvrant la blancheur des dents mouillées. En même temps, Esprit notait dans les prunelles bleues de la voyageuse cette langueur humide et brillante, particulière aux yeux des femmes que tourmente le besoin d'aimer. Cet humide éclat du regard, cette bouche inconsciemment sensuelle, les aveux ingénus d'une fille lasse de sa solitude, le mirent en goût de flirter et le rendirent soudain désireux de supplanter ce prétendant inconnu auquel l'institutrice s'apprêtait avec résignation à livrer son affriolante jeunesse. « Et quoi ? » se récria-t-il. « Vous vous condamneriez à épouser un boutiquier vieux et laid et à vous clapmurer dans un trou de village ? Ce n'est pas possible. Une jolie fille n'a pas le droit de se sacrifier ainsi de gaieté de cœur. Ne commettez pas cette sottise, je vous en supplie. » Pour corroborer cette objurgation, il prenait les mains de l'institutrice, qui d'abord riait et le laissait faire, puis, peu à peu effarouché de cette étreinte prolongée, essayait, sans y réussir, de dégager ses doigts prisonniers. Pendant ce temps, le train courait sur d'eau plateau où planaient de flottants brouillards, puis dévalait en plein soleil parmi des pâturages où tintaient les clarines des bâches. Un air vif éparpillait jusque dans le compartiment de blancs pétales de cerisiers épanouis, et cette neige de fleurons apportait avec elle de troublantes effluves printaniers. Brusquement, le convoi s'enfonça dans la nuit sonore d'un tunnel, et le peintre en profita pour oser des caresses plus tendres. La jeune fille, dans cette obscurité, se tremblait davantage et se défendait mal. Esprit s'était assis auprès d'elle et passait son bras autour de sa taille quand soudain on déboucha en pleine lumière. « Oh, monsieur !» balbutia-t-elle, « si on nous voyait !»« Qui ça ? Les oiseaux du ciel ? Ne vous occupez pas d'eux et laissez-moi vous aimer !» De nouveau, on roulait sous un tunnel. Louise, effarée, sentait les lèvres invisibles de son audacieux compagnon se poser sur ses yeux, sur sa bouche. Une anxieuse et pourtant douce émotion la gagnait. Sa tête tournait et elle résistait plus mollement. Heureusement pour elle, le jour éclatant reparaissait, le train s'arrêtait devant une petite gare et on criait « Clel ! Clel !» « Mon Dieu ! » soupira-t-elle en se reculant, honteuse et toute palpitante. « Nous allons arriver à Monestier. Je vous en prie, laissez-moi. » Il se dressait sur ses jambes toutes tremblantes, saisissait son chapeau dans le filet et se recoiffait à la hâte. « Qu'importe, Monestier !» murmurait passionnément Capdenave en la reprenant dans ses bras. « Je vous aime. Je ne peux plus vous quitter et je vous emmène avec moi. »« Vous êtes fou !» balbutiait-elle. « Tenez-vous tranquille. » Le train filait à toute vapeur le long d'une rampe boisée. Louis se dégagea à demi et se pencha à la portière. On apercevait déjà le village ensoleillé au milieu des prés et des bois de sapins, avec sa longue unique rue en pente. Puis on découvrait la station isolée au bout du pays et sur le trottoir, trois silhouettes de plus en plus distinctes, groupées en des postures d'attente. « Je reconnais ma tante et mon oncle, » disait l'institutrice. « Le monsieur qui les accompagne doit être monsieur Léchaudel. »« Il est assez laid pour ça, » répliqua Esprit, en écartant traîtreusement la jeune fille. D'un geste brusque, il releva la glace et se planta résolument devant la portière qu'il masqua de ses robustes épaules. « Non, » affirma-t-il, « je ne vous laisserai pas vous immoler un pareil paquant. Je vous aime et je vous garde. » Après s'être progressivement ralenti, le convoi s'arrêtait net et la voix du chef de train courait au long des voitures. « Monestier de Clermont !» L'institutrice, croyant à une plaisanterie, rassemblait son sac et son entouka. « Voyons, monsieur, sérieusement, ouvrez-moi la portière. »« Jamais de la vie !» jurait le peintre en l'attirant à lui et en étouffant dans un baiser les protestations de la voyageuse. Au dehors, on entendait l'oncle et la tante affairés longer la file des voitures et appeler « Louise ! Louise !» Mais ils s'égosillaient en vain, et le large dos de Capdeneuve les empêchait de voir leur nièce. « Il me cherche, il m'appelle !» murmurait Louise et pleurait. « C'est indigne, ce que vous faites là. Monsieur, je vous en prie, ouvrez-moi » Un coup de sifflet, le train repartait, et bientôt la station de Monestier disparaissait comme un rêve. Énervé et las de cette lutte inutile, l'institutrice retombait sur la banquette. L'amoureux esprit essayait de l'entourer de nouveau de son bras, mais elle le repoussait avec colère et se rejetait à l'autre extrémité du wagon. Elle avait caché sa figure dans ses mains et balbutiait, suffoquée. « Non, c'est trop fort. Allez-vous-en, je vous déteste. » Il s'était assis en face d'elle et s'ingéniait à la consoler par de câlines paroles. Elle s'obstinait dans son attitude farouchement silencieuse et on atteignit ainsi la station de Vizy. La portière s'ouvrit et le compartiment s'emplit de voyageurs qui s'en allaient passer le dimanche à Grenoble. Cela jeta une douche sur l'effervescent cap de nave et l'obligea à se tenir coi. L'institutrice, dans son coin, lui tournait quasi le dos et s'entêtait à regarder par la portière. Esprit, condamné à rester muet, commençait à réfléchir plus froidement aux suites de son escapade et à la responsabilité qu'il avait assumée. Ils n'échangèrent plus un mot, et lorsqu'on arriva à Grenoble, il aida silencieusement la jeune fille à descendre et s'empara de son sac. Ahurie, Louise le regardait faire avec stupeur et le suivait maintenant avec la docilité d'un animal épeuré et inconscient. Une fois dans la cour, le peintre lui prit le bras et se dirigea vers un hôtel situé en face de la gare. Mais quand le garçon les eut introduits dans une chambre et qu'ils se retrouvèrent seuls, Louise s'affaissa sur une chaise et fut prise d'une violente crise de larmes. Elle se tordait désespérément les mains et sa poitrine était soulevée par de douloureux sanglots. Ce fut au tour d'Esprit de s'effrayer. Il ne s'attendait pas à cette explosion de profond chagrin. S'agenouillant près de l'institutrice, il essayait de l'apaiser avec des caresses, mais il perdait sa peine. Les sanglots de Louise redoublaient et elle le repoussait avec horreur. « Allez-vous-en !» gémissait-elle. « Si vous avez un peu de cœur, ne m'accablez pas davantage. Ah mon Dieu, quel malheur! Mes parents, en ne me voyant pas arriver, écriront à Aix, et les personnes chez lesquelles je suis auront une belle opinion de moi. Je serai renvoyée honteusement et je resterai sans place. Tout cela par votre faute, monsieur. » Parce que vous m'avez prise pour ce que je ne suis pas, et traitée comme une coureuse. Me voilà perdue, perdue !» Ses larmes coulaient de plus belle. Esprit, décontenancé, songeait. « Elle a pourtant raison. Je me suis conduit comme un malotru. » Il n'était pas un méchant garçon. Et bien qu'il ne se piquât point d'une rigide austérité de mœurs, il n'était nullement enclin à compromettre une femme malgré elle. Autant il se fût gaiement engagé dans une aventure galante avec une fille facile, autant il lui répugnait de séduire et de mettre à mal cette jolie créature en larmes. Il la sentait absolument sincère, et cette sincérité éveillait en elle un commencement de remords. Il saisit tout à coup les mains de l'institutrice. « Pardonnez-moi, dit-il humblement, et ne vous désolez pas, mademoiselle Louise, je vais vous reconduire à la gare. Vous prendrez le premier train en partance pour Monestier. Vous en serez quitte pour déclarer vos parents que vous vous étiez endormi et que vous ne vous êtes réveillé qu'à Grenoble. Séchez vos yeux. Je suis un grand fou, mais je suis aussi un honnête garçon. » Là-dessus, il la ramena à la gare. Il y avait justement un train prêt à partir dans la direction de Monestier. Capdenave prit le billet de l'institutrice, puis il l'installa dans un compartiment avec quelques provisions de bouche. Maintenant qu'elle se sentait sauvée, Louise était rassérénée. Ses yeux pervenches brillaient d'un humide éclat, et ses pulpeuses lèvres rouges retrouvèrent un malicieux sourire pour remercier le peintre quand la portière se referma. Capdenave regarda s'éloigner le train empanaché de vapeur. « Allons, soupira-t-il mélancoliquement, elle épousera M. Léchaudel. C'est dommage. » Ainsi s'achève Voyage sentimental d'André Theuriet.